conférence intensive supramentale du 10 octobre de l'année 2020. Donc, ici, David au micro qui vous salue. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis en compagnie d'Isabelle. Donc, ça va bien, Isabelle? Oui, ça va très bien, David, et toi? Oui, ça va bien, pareillement. Et aujourd'hui, ça va être une rencontre spéciale. Donc, à l'origine, il était prévu, il y a plusieurs semaines, il y a plusieurs mois, qu'il y ait une conférence intensive supramentale avec Marc Delassalle, auteur et conférencier québécois. Et étant donné qu'il est décédé, naturellement, la rencontre là, ne peut pas avoir lieu là, en personne, d'autant plus que le contexte de la crise du COVID-19, donc le contexte de la crise sanitaire associée à ce coronavirus, n'est pas propice aux rencontres de groupe, dois-je vous le mentionner. Donc, c'est sûr que pour rendre, entre autres, hommage au travail de Marc Delassalle, j'ai décidé de lui dédier l'enregistrement d'aujourd'hui en particulier, parce que c'est une rencontre de longue date qui était prévue, donc de donner une conférence. Et à défaut de ne pas donner de conférence, je me suis dit pourquoi pas la faire pareille et qu'elle soit enregistrée et que les gens sur le web un peu partout dans le monde puissent en bénéficier. Et à défaut d'avoir un public en salle, en personne, eh bien, je suis présentement en compagnie donc d'Isabelle. Et Isabelle, je vais te demander aujourd'hui, c'est sûr qu'à l'origine, elle était prévue de se présenter à la rencontre là, avec Marc Delassalle en public dans la ville de Québec au Canada. Donc, je vais te demander aujourd'hui d'intervenir. Donc, si je dis des choses que tu trouves qui ne sont pas claires, si tu évalues qu'il y a des points là, qui devraient être approfondis, éclaircis, et aussi si tu as des questions particulières par rapport aux propos qui sont tenus naturellement. Donc, tu es la bienvenue pour le faire là, tout au long de l'enregistrement d'aujourd'hui. Ça te convient? Oui, oui, ça me convient tout à fait, David. Excellent. Donc, elle va servir à représenter le public. Donc, c'est sûr que par rapport à l'enregistrement d'aujourd'hui, on peut faire une petite mise en situation à quoi aurait pu ressembler une journée conférence. Donc, c'est sûr qu'il était prévu que les gens arrivent en fin d'après-midi et que l'activité commence à proprement dit à 15h. Donc, c'est sûr que moi, je serais arrivé probablement vers 2h15, 2h30 pour accueillir les gens qui se seraient présentés dans cette salle de la ville de Québec. Donc, on peut utiliser l'imagination pour se représenter la conférence, pourquoi pas. Et donc, vous pouvez m'imaginer à la réception du local. Et c'est sûr que pour l'effet de la petite visualisation, pourquoi pas de dire que les gens, quand ils arrivent, ben, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Dans le sens que, bon, on est en contexte de coronavirus, mais disons que pour la petite mise en scène, je donnerais la liberté aux gens de faire ce qu'ils veulent lorsqu'ils arrivent. Dans le sens que s'ils ont envie de me donner une poignée de main, ils peuvent le faire. Une accolade également. Même chose pour la bise sur les joues. Donc, je laisse la liberté aux gens. Moi, dans un contexte idéal, j'impose rien. Moi, je suis disponible à l'avant. Et puis, s'il y a des gens qui ont envie de venir me voir, de discuter, avoir une bonne poignée de main, une accolade, eh bien, ils sont les bienvenus par rapport à ça. Moi, je respecte les gens. C'est sûr, s'il y a des gens qui, à réception, voudraient rester à 2 mètres ou à 3 mètres de moi, aucun problème. C'est des gens qui veulent, dans le fond, faire une accolade puis me donner des becs à joue. Je suis ouvert à ça aussi. Je suis ouvert à différentes options. Et c'est sûr que la particularité pour les gens qui nous écoutent un peu partout dans le monde de la culture québécoise, C'est la rencontre entre la culture américaine et européenne. Donc, aux États-Unis, les gens, à la différence des gens qui se trouvent entre autres en France, ne vont pas se donner la bise sur les joues lorsqu'ils se rencontrent. Les gens aux États-Unis, c'est plutôt des hugs, des câlins. Tandis qu'en Europe, c'est pas le cas, c'est plutôt la bise. Mais le Québec est la rencontre des deux, parce qu'on est situé en Amérique du Nord. Donc, d'un côté, on a l'influence des Américains qui vont se faire des câlins. Et en même temps, on a l'influence des Européens, de par la langue française qu'on parle ici, avec les gens qui vont se faire à la fois des câlins puis la bise. Fait que c'est sûr que là, ça fait beaucoup de choses. C'est la particularité des rencontres des cultures, culture anglophone et francophone. C'est sûr que dans un monde idéal, la façon que je vois ça, j'aurais été à la réception. Bon, il y aurait des gens qui seraient arrivés un petit peu plus tôt, des gens vers 2h20 qui auraient voulu choisir leur place dans la salle. Il y en a d'autres qui arrivent un peu plus tard. Donc, on aurait parlé de différents sujets. Et probablement qu'il y en a, on aurait commencé à 15 heures, puis il y aurait des gens qui seraient arrivés peut-être à 3h15, donc 15h15. Donc, il y a souvent des retardataires quand il y a des conférences en personne, puis c'est correct. Donc, ça ne m'aurait pas empêché de communiquer. Donc, c'est sûr que moi, la façon que j'aurais senti l'activité, c'est que j'aurais été là pour mettre un petit peu une touche d'humour par rapport à Marc. D'ailleurs, si ça aurait été avec Marc l'activité, un peu comme le rôle que je fais un petit peu avec Bertol dans les entretiens, souvent je vise à mettre un petit peu une touche d'humour pour détendre l'atmosphère. Parce que c'est sûr que c'est intéressant d'avoir des propos qui vont en profondeur, mais c'est bien aussi lorsque ça peut être allégé là, ouais, avec une touche d'humour. C'est sûr que à ce moment-là, bien, compte tenu du contexte de la COVID-19, coronavirus qui fait peur à beaucoup de monde et que l'ambiance est souvent teintée de peur dans la population, à ce moment-là, ce que je vibre, ce que ça me dit intérieurement, c'est que j'aurais été dans un mode un peu plus humoristique pour détendre l'atmosphère que peut-être un petit peu plus qu'habitude. Parce que là, si la peur augmente, il faut augmenter soit l'humour ou la contestation pour se rééquilibrer énergétiquement. Donc, d'ailleurs, ce que ça me dit intérieurement, c'est que la conférence intensive supramentale, compte tenu de la crise, il y aurait sans doute une bonne partie, là. En fait, il y a une bonne partie, on fait la conférence, là. Je vais arrêter dans l'hypothétique, là. Donc, on va commencer dans les prochains instants. Donc, c'est sûr que dans un premier temps, Isabelle, donc, ça me fait plaisir de t'accueillir à l'activité. Oui, merci beaucoup, David. Donc, jusqu'à maintenant, est-ce que tu avais des questions ou commentaires? c'est-à-dire, oui, tu as fait une belle visualisation, de la rencontre, c'est très bien. Exactement. Fait que moi, dans mon esprit, ça a été de laisser la liberté aux gens, dans le sens que si la personne veut se présenter à la conférence avec le masque, elle a le droit. Si la personne ne veut pas porter de masque, elle a le droit. Si la personne veut rester à 2 mètres des autres, même 3 mètres ou 4 mètres, aucun problème. La salle est assez grande pour ça. Puis si la personne, au contraire, veut faire des câlins, donner des poignées de main aux autres avec un consentement libre et mutuel, c'est correct pour moi aussi. Moi, j'aurais été dans une attitude à l'entrée de la conférence en laissant les gens libres de s'exprimer. Moi, je suis là. Si vous allez vers moi pour donner une poignée de main, oui. Si vous avancez pas vers moi, je ne vous courrai pas après. Puis je vous tourne. C'est ça. Ça a été mon approche, là, t'sais, une approche de respect mutuel selon l'expression des gens qui ont envie en termes de chaleur humaine. Donc, Oui, tu soulignes un bon point avec la liberté. Donc, comment tu perçois la liberté en temps de COVID? oui, c'est une question intéressante. Donc, pour répondre à la question, ça aurait pu être une question justement qui a été posée en conférence par toi parce que tu étais prévu venir. Donc, on va répondre à la question. On va répondre. Ça me parle de même dans la tête. OK. La réponse qui me vient, c'est que la liberté est d'abord pour l'individu qui se conscientise de nature psychique. C'est-à-dire que l'individu qui vit un processus de conscientisation doit être par là la forme. Autrement dit, il doit se donner la liberté interne de composer avec le réel de l'événement de la crise du coronavirus, dans le sens de rester centrique, de ne pas être ébranlé par la nature de l'événement, dans le sens que l'individu soit exposé dans un contexte, comme c'est le cas au Québec, je sais que c'est à peu près la même chose en Europe, d'alerte rouge, que l'alerte soit rouge ou rouge foncé, ou qu'elle soit orange, ou peu importe les couleurs, ça crée souvent un climat d'anxiété anxiogène. Puis pour rester libre psychiquement par rapport à la crise, c'est d'être capable d'être détaché des formes contextuelles. Et présentement, c'est un défi parce qu'on est bombardé de formes qui peuvent occasionner une grande impression sensorielle. C'est sûr, de se promener sur la rue, puis il y a des affiches un peu partout, rester à 2 mètres, ou lorsqu'on va dans les commerces, ou on se présente dans des lieux publics, dans des parcs, comme c'est le cas au Québec, rester à 2 mètres les uns des autres, on continue de se protéger. Bien, à chaque fois qu'on voit que c'est marqué « on continue de se protéger », ce que ça sous-entend, c'est qu'on continue de se sentir menacé par le coronavirus. Donc, si on se protège, parce qu'on se sent menacé. Donc, c'est ça que ça sous-entend derrière ça. Donc, on est rempli d'impressions, les bulletins de nouvelles là, avec des couleurs rouges là, qui apparaissent pour parler du coronavirus. On va nous dire qu'on est en alerte rouge présentement dans beaucoup de régions au Québec et c'est la même chose un peu partout dans le monde. Donc, comment rester libre psychiquement par rapport à ça? C'est d'être détaché de la forme. Donc, ça, c'est l'un des principes fondamentaux de l'instruction supramentale. Autrement dit, c'est de ne pas donner le pouvoir à la nature des stimulations environnementales, puis présentement, elles sont très grandes. À chaque fois qu'on écoute la télévision, il y a plein de publicités. Même chose pour la radio. Même chose lorsqu'on se présente dans les différents commerces, où on nous demande d'être à 2 mètres, il y a des marques au sol, il y a des gens masqués. Donc, il y a un contexte avec plein de formes qui sont mobilisées pour amener les gens à être sous tension, à être en vigilance, voire en hypervigilance par rapport à la menace du coronavirus. Mais fondamentalement, pour être libre par rapport à ça, ça se passe dans sa psyché. Donc, quand même qu'on soit exposé à une alerte qui devient jaune, orange ou rouge foncé, il faut intérieurement ne pas donner le pouvoir aux formes extérieures de nous décentrer. Donc, il ne faut pas sombrer dans l'hypnose de masse. Fondamentalement, c'est ça, parce que tous les stimuli sensoriels qui sont utilisés, il y a l'aspect visuel avec les pancartes, l'aspect auditif avec les messages radiophoniques, ensuite l'aspect tactile, le toucher. On est impliqué dans la matière. Lorsqu'on va à l'épicerie puis il faut suivre des marques au sol, ça nous implique dans le sens qu'on touche au sol. Donc, les différents sens sont mobilisés dans le but de nous conditionner, à nous hypnotiser, à nous vendre l'idée, à nous persuader qu'on est dans une menace, mais il ne faut pas donner le pouvoir à ça pour nous empêcher d'être libres dans le mental, c'est-à-dire d'être capable d'accéder à une dimension impersonnelle de nous qui va nous permettre de regarder les choses avec un recul interne. Parce que si on est dans l'émotionnel en réaction par rapport à ces différents stimuli, puis on vit un état d'anxiété, on baigne dans l'hystérie collective, c'est pas intelligent. On est trop émotionnel pour capter la finesse de la vibration supramentale de notre être. Donc, c'est sûr que je répondrai à la question. Puis c'est sûr que la notion de liberté, on pourrait en parler longtemps, parce que, à quelque part, l'individu, il n'y a pas la liberté, par exemple, de décider l'événement, dans le sens que l'événement est orchestré par les plans ou laissé orchestré par les plans. Donc, ce qui veut dire que la crise présentement du coronavirus, COVID-19, les plans de la lumière laissent la crise s'orchestrer, puis observent avec attention et vigilance comment que les êtres humains se comportent par rapport à ça. Est-ce que les êtres humains sont décentrés? Puis ça doit donner l'occasion aux individus de voir en contexte de crise à quel point ils ont intégré l'instruction supramentale. Parce que des gens, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, qui écoutent des enregistrements de Bernard de Montréal, de d'autres personnes, que ce soit Marc de la Salle, où il y a question de conscience supramentale, mais la meilleure façon d'avoir une mesure du niveau d'intégration, c'est lorsqu'on est confronté à un événement de crise collective pour voir à quel point on est individualisé puis on se laisse pas décentrer par le collectif. Peu importe les formes qui sont utilisées puis les millions de dollars en termes de publicité gouvernementale pour nous convaincre de l'idée qu'on est en état de crise et l'important, c'est de ne pas être en état de crise interne, c'est-à-dire ne laissez jamais les stimulus à l'extérieur de vous perturber la paix de votre esprit et de sombrer par la peur. Puis lorsque vous êtes dans un état de peur par rapport à l'événement, vous faites récupérer par le système astral qui peut chercher à utiliser les formes véhiculées par le gouvernement pour vous amener à vibrer à la peur, faire de l'insomnie, faire des crises d'angoisse, bien, c'est d'être capable par rapport à tout ça de vous recentrer puis être capable de contester à chaque fois que dans votre conscience, des pensées sont acheminées, parce qu'on parle du principe que la pensée vient d'ailleurs qui vise à vous faire vibrer à la peur, puis vous vibrez un peu à la peur, la meilleure façon de mettre fin à la peur en vous qui peut s'installer avec des entrées astrales de l'environnement, c'est de monter en vibration puis aller dans la colère mentale, dans l'attitude de contestation, parce que la vibration de la colère est plus forte que celle de la peur, puis ça peut amener un ordre qui va générer la paix de l'esprit. Donc autrement... Oui, oui. Ah, est-ce que le David... Oui, bien sûr, bien sûr. Mais pourquoi... Pourquoi les plans orchestres, tout ça, je pense que tu as quand même répondu en partie à la réponse, mais depuis le début de l'humanité, il y en est arrivé là des crises, des événements, des oui. guerres, des virus, et c'est pas la première fois là que ça arrive, tout ça là. Non, exactement. En fait, nous sommes dans une planète expérimentale. Donc, des expériences en cours où les gens sont étudiés, un peu comme un focus group par des publicitaires pour voir comment ils se comportent, comment ils réagissent à l'événement, comment ils réagissent à des stimulations qui sont présentées au niveau médiatique. Mais fondamentalement, les oppositions que les plans de la lumière laissent se dérouler sur Terre, ont pour but de favoriser un rehaussement du taux vibratoire des êtres humains, dans le sens que c'est à travers vers l'adversité que la personne peut se donner un centre de gravité permanent. Donc, autrement dit, c'est à travers l'obstacle que la personne, si elle développe la force psychique de traverser l'obstacle, qu'elle va monter dans l'intégration du principe de la volonté, de l'intelligence, puis éventuellement de l'amour, c'est capable de composer intelligemment avec les autres à travers l'adversité. Mais le point, c'est que l'âme, comme fondamentalement, elle ne se corrige pas par elle-même, à ce moment-là, le correctif se fait à travers des oppositions événementielles. Et les oppositions événementielles, c'est pas nécessairement les plans de la lumière qui, du jour au lendemain, vont dire « Ah, il va y avoir un coronavirus qui va affecter l'humanité. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est plutôt... Ce qui arrive, c'est que ça peut dire à l'intérieur d'un être humain, ben telle chose, tu devrais pas faire ça, la personne le fait pareil. Puis, même chose pour un paquet d'individus. Fait que finalement, il y a des gens qui sont pas supposés de sortir, ils sortent pareil, ils vont contaminer d'autres personnes qui vont contaminer d'autres personnes. Puis à ce moment-là, une propagation d'un virus. Mais si l'individu est en contact avec sa source, il n'y aurait pas à ce moment-là des situations de cette nature-là qui se produirait sur la Terre. D'ailleurs, quelqu'un qui est en fusion avec l'esprit et qui a développé une conscience qui lui permet d'accéder aux lois d'énergie puis à la transmutation automatique de la matière, la personne ne peut pas être affectée par la maladie, étant donné que la maladie, c'est quoi? Ben, c'est une forme, c'est une structure. Et comme elle a la capacité d'altérer la forme à partir de la vibration qu'elle est capable de canaliser à partir de l'énergie indifférenciée du cosmos, ben, à ce moment-là, la maladie serait neutralisée à la mesure auquel la personne pourrait être exposée par rapport à ça. Donc, il n'y aurait pas techniquement la possibilité que les hôpitaux soient engorgés à cause d'un coronavirus, mais c'est la condition expérimentale de l'être humain, et plus particulièrement que le fait que l'être humain ne se corrige pas, ne s'ajuste pas, il n'est pas à l'écoute de sa voix intérieure, qui rend possible des situations difficiles comme on a connu dans le passé, parce que dans le passé, il y a déjà eu d'autres situations où l'humanité a été prise avec des virus, là, naturellement. OK. Puis, comment être en contact avec sa source? Oui. Ben, c'est de s'écouter, c'est d'être disponible à soi-même. Et c'est sûr que c'est pas nécessairement évident, parce que Dans le fond, le mode de vie présentement en Occident est fait où ce qu'on est bombardé de stimulation sensorielle, la télévision, la radio, par la suite les vidéos sur Internet, sur YouTube, les messages qu'on peut recevoir 24 heures sur 24 sur le téléphone intelligent, donc les smartphones. Donc, on est bombardé de plein d'informations en tout temps. Et c'est sûr que d'écouter ce qui vient de l'intérieur plutôt que de l'extérieur, puis les différents sens, puis d'être capable de donner une disponibilité à ça, c'est un défi de taille. Et c'est sûr que pour être disponible à l'intériorité, ben l'une des façons que je te dirais d'y arriver, c'est de te confiner chez toi dans un état de privation sensorielle. Puis ce qui est drôle, c'est que la crise actuelle tend à nous mener vers ça. Il y a eu un premier confinement là, au printemps de l'année 2020. Puis là, à l'automne, bien, c'est sûr que présentement, il y a des régions en zone rouge où les gens sont confinés, sont limités. Au moment où on fait l'enregistrement d'aujourd'hui, eh bien, c'est très difficile. Les activités sociales, c'est très restreint à cause du coronavirus. Les gens peuvent plus aller dans les spas, peuvent pas aller non plus en personne au restaurant. Ici au Québec. Ensuite, il doit être continuellement à 2 mètres des autres. Il y a plein de restrictions qui sont mises en place. Et curieusement, le contexte est propice dans un sens à l'intériorisation. Si la personne se retrouve confinée chez elle, ben à ce moment-là, si la personne est à ce moment-là, elle passe pas son temps devant l'ordinateur, mais elle fait par exemple. Elle ferme les yeux. Elle n'est pas obligée de faire une méditation sophistiquée, là. Elle n'a pas besoin de réciter des mantras. Elle n'a pas besoin de faire un rituel particulier. Elle n'est pas obligée de fonctionner avec une forme. Tout simplement, elle est disponible à qu'est-ce qui émerge en elle, à l'écoute de ça. Mais c'est là qu'elle peut être à l'écoute de son propre esprit, donc la dimension cosmique de son être. OK. Puis, OK, mais avec le coronavirus, il y a quand même, bon, des gens qui décèdent des suites du coronavirus. Puis, à ce moment-là, bien, comme tu disais tantôt, les gens, avec les siècles, sont de plus en plus conscients. En arrivant sur les plans, en fin de compte, quand la personne décède, Oui. à ce moment-là, c'est ça, il y a comme un rehaussement du taux vibratoire des gens qui sont sur les plans, puis qui peuvent influencer les personnes qui sont sur la Terre. Ça peut être le cas en effet de gens qui s'incarnent sur la Terre dans un contexte plus propice à un développement, comme par exemple le 20e siècle, le 21e siècle. C'est plus propice à une évolution de conscience parce que les sociétés vont plus respecter l'individualité que c'était le cas naturellement là, dans le temps, entre autres, du Moyen Âge, là, ouais. Donc, oui, il peut y avoir un contexte qui est favorable par rapport à ça. Et ces gens-là, lorsqu'ils se retrouvent sur le plan astral, peuvent participer à rehausser le niveau des êtres qui s'y trouvent. Par contre, le point à dire ici, c'est qu'il y a des âmes qui se retrouvent présentement sur le plan astral depuis plusieurs millénaires. Et comme ces âmes-là sont orgueilleuses, elles ne veulent pas se réincarner. Ce qui fait qu'une stagnation énergétique importante de ces êtres-là. Et c'est sûr qu'il y en a d'autres qui, pendant ce temps-là, rehaussent le niveau, fait que ça crée un décalage énergétique, même au sein des êtres qui se trouvent sur le plan astral. Et c'est sûr que tôt ou tard, les êtres qui ont un taux vibratoire plus bas sur le plan astral vont être invités fortement là, à se réincarner pour parfaire leur développement, parfaire leur évolution. Et c'est sûr que par rapport à ça, il y aurait éventuellement une épuration puis un ménage de l'astral qui va se faire. Parce que si toute l'humanité, au niveau physique, incarnation bouge et qu'il y a une évolution qui se produit, ben c'est sûr qu'à quelque part, il y a des êtres qui peuvent pas stagner énergétiquement, éternellement. Ce qui va faire en sorte que dans un futur, j'allais dire, rapproché, mais tout dépendant de la notion du temps qu'on a. Il y aura des êtres qui seront mis au pied du mur sur le plan astral, soit qui se réincarnent, qui s'ouvrent à l'idée qu'ils peuvent avoir évolué, qu'ils ne sont pas parfaits, parce qu'il y en a qui sont très orgueilleux, puis qu'ils vont aller dans ce sens-là. Mais il y en a d'autres qui veulent rien savoir, sont entêtés, ils créent du désordre, ils créent un son aussi qui est dissonant sur le plan astral, une cacophonie vibratoire qui est organisée, qui est générée par leur structure énergétique qui est en voie d'évolution, en voie de stagnation, devrais-je dire, parce qu'ils ne cherchent pas à évoluer, ils n'ont pas cette ouverture-là. Et ces êtres-là seront mis au pied du mur. Puis pour résumer, ben c'est que les aides de la régence planétaire, donc du gouvernement supramental, éventuellement auront à intervenir parce qu'il y a des êtres-là qui, dans le fond, par entêtement, ne voudront pas se réincarner ou évoluer. Donc à ce moment-là, ils seront mis au pied du mur. Puis éventuellement, il y en a qui seront dématérialisés de ces âmes-là, seront dissoutes dans l'énergie. OK. Est-ce que tu peux me parler davantage du gouvernement supramental? Oui, certainement. Donc, le gouvernement supramental, c'est, dans le fond, un regroupement d'êtres qui visent à générer une humanité nouvelle. Et c'est, par rapport au gouvernement supramental, c'est des gens qui, dans un premier temps, auront à intégrer l'énergie du supramental dans le cadre incarnationnel, donc dans le cadre d'une existence sur Terre. Et par rapport à ces êtres-là, leur particularité, ben, c'est qu'ils vivent la fusion de leur vivant. Et une fois qu'ils auront quitté le plan terrestre, donc lorsqu'ils auront accompli ce qu'ils avaient besoin d'accomplir sur le plan physique, bien à ce moment-là, ils vont se retrouver sur le plan éthérique. Et comme ils auront passé à travers l'expérience humaine, ils vont avoir une compréhension expérimentale de ça, mais ils vont être capables de composer aussi intelligemment avec les êtres du plan éthérique, étant donné qu'ils le faisaient déjà dans le cadre de leur incarnation, parce qu'il y avait une connexion télépathique avec les plans de la lumière. Donc, autrement dit, les êtres supramentales auront la possibilité par la suite d'être des alliés psychiques pour les êtres sur le plan physique qui ont à vivre la fusion et leur donner un accompagnement, parce que le plus difficile présentement, c'est de générer une masse critique d'individus conscients qui vont favoriser la conscientisation d'autres êtres. Donc, c'est sûr que Bernard de Montréal, lorsqu'il est venu sur la Terre et qu'il a connu le processus de fusion en 1969, il était tout seul à supporter sa conscience. Tandis qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont été à ces séminaires, puis il y a des gens qui ont d'autres personnes aussi, ils n'ont pas nécessairement eu à connaître Bernard de Montréal en personne, mais qui ont vécu un processus de conscientisation. Et ces gens-là ont intégré la vibration supramentale à un certain dosage, ce qui fait qu'à la hauteur du dosage de leur intégration énergétique, ils peuvent donner un support énergétique à d'autres individus qui vivent un processus analogue et être leur allié psychique. Au même titre que, par exemple, présentement, il peut y avoir des êtres astraux qui vont donner un support à des individus sur Terre. Donc, si, par exemple, un individu sur Terre a pour agenda individuel de développer des compétences pour devenir un musicien, bon, ben il y a des musiciens qui ont déjà vécu sur Terre dans le passé, donc qui avaient développé ces compétences-là de manière analogue, de manière similaire. Et c'est sûr que ces gens-là peuvent graviter autour du musicien qui veut se développer, au même titre que, par exemple, il va y avoir une personne expérimentée. Donc, on va parler d'un compagnon dans le domaine de la construction ici au Québec qui va accompagner un nouvel apprenti pour développer des compétences pour, par exemple, faire des travaux de charpenterie, menuiserie. Bon, ben au niveau psychique, c'est la même affaire. Et il va y avoir un compagnonnage vibratoire de plus en plus grand qui va être faite par des gens du gouvernement supramental. Et c'est sûr que ce compagnonnage-là va amener des gens sur Terre à éventuellement faire du compagnonnage, accompagner des gouvernements, des autorités en place, des gens qui œuvrent, par exemple, dans le domaine de la science. Éventuellement, il y aura des consultants en matière de questions scientifiques et éthiques qui seront dotés d'une conscience supramentale et qui vont permettre aux autorités gouvernementales, aux autorités scientifiques et autres de la Terre de bénéficier d'un éclairage par rapport à certaines questions en vue de favoriser la paix dans le mental de ces êtres-là, mais aussi dans le mental des autres êtres de l'humanité. Donc, autrement dit, les êtres qui sont en relation avec d'autres êtres qui ont connu le processus de la fusion de leur vivant, qui ont vécu sur Terre, mais là, qui se retrouvent sur le plan éthérique, ben il va y avoir un travail qui va se faire pour restaurer la Terre après le processus d'une évolution. Autrement dit, permettre à des êtres de retrouver l'intégrité énergétique qu'ils avaient au départ, avant que le processus d'incarnation et de densification énergétique de la matière de l'âme dans la matière s'opère. OK. Le, je saute peut-être un peu du coq à l'âne, Mais mais... attends une minute, je veux juste clarifier quelque chose, parce que là, j'ai parlé il y a quelques instants de compagnonnage puis d'apprenti, mais par Oui. rapport aux aides supramentales, la nuance que je veux faire, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie, comme sur le plan terrestre. Donc, autrement dit, les aides supramentaux, non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Ça dépend comment qu'on le prend. Je vais clarifier. C'est qu'il n'y a pas de hiérarchie en fonction de la forme. Mais il y a une hiérarchie quand même sur le plan vibratoire, que la vibration qui est le plus élevée a plus une autorité de compréhension par rapport à un autre, mais la nuance est subtile parce que les êtres qui sont dans la conscience supramentale réellement ont intégré le principe de l'amour de l'humain pour l'être humain, ce qui fait en sorte qu'ils ne domineront pas. Autrement dit, un être qui fait partie du gouvernement supramental a un taux vibratoire plus élevé que celui qui fait partie du plan astral. Par contre, l'aide sur le plan supramental va viser, par exemple, à donner un accompagnement évolutif à un autre individu, mais sans rien lui imposer, Oui. dans l'optique que l'individu peut intégrer. Mais c'est sûr que la nuance qui peut être faite, c'est qu'en dernier recours, si les âmes sur le plan astral qui créent une stagnation énergétique pour ne pas s'assécher infiniment, parce qu'il y en a qui peuvent être entêtés éternellement, qui sont en voie de perdition, puis qui créent du désordre, puis du chaos, puis cherchent à influencer des êtres humains sur Terre pour créer des meurtres, des viols, des génocides, ces êtres-là, éventuellement, Oui. seront mis au prix du mur. Fait que oui, les êtres sur le plan supramental, à quelque part, vont avoir une intelligence qui va les mettre au pied du mur, puis ils vont imposer certaines décisions, mais ça va être seulement un dernier recours par rapport à des âmes qui ne veulent pas se corriger. Donc, mais ça, c'est vraiment du dernier recours. Mais l'approche qui va être amenée de ce que je capte vibratoirement, c'est plutôt un accompagnement dans le respect de l'autre, là, naturellement. OK. Oui, bien, le, par exemple, prenons l'exemple de dirigeants politiques et qui influencent grandement le sort de population. À ce moment-là, pourquoi les plans autorise ça, quelque part, qu'il y en ait un dirigeant politique qui dirige et ça va tout droit vers la guerre, les génocides, etc. Oui, ben par rapport à ça, il y a une Ouais. nuance. Oui, c'est intéressant ce que tu dis là. Il y a quelque chose, c'est intéressant à commenter. C'est que les plans de la lumière, la nuance qui doit être apportée, c'est que dans le fond, l'être humain, voyons, les plans de la lumière ne vont pas donner une caution morale par rapport à des dictateurs qui vont exploiter là, la population. Donc, il y a pas une, les plans de la lumière, dans le fond, vont pas donner un support énergétique à ces êtres-là d'une manière directe. Donc, dans le fond, ces êtres-là ne représentent pas les plans de la lumière, mais sont en relation psychique avec des êtres astraux en voie d'évolution. C'est sûr que si des êtres du bas plan astral, ben, ça crée du dégoût, naturellement des désordres. Et par rapport à ça, ce qui arrive, c'est que la problématique des êtres sur le plan éthérique, donc les êtres de lumière, c'est que, à quelque part, ces êtres-là sont confrontés dans une situation où les âmes, qui sont des parties d'eux en passant, qui ont descendu dans la matière, n'ont pas la capacité d'intégrer pleinement leur énergie parce qu'ils n'ont pas nécessairement la structure énergétique, ce qui fait en sorte que des dirigeants imparfaits sont présents sur Terre et que, à quelque part, eux autres sont pris dans une situation où ils ne peuvent pas nécessairement entamer une conversation ouverte et transparente avec certains dirigeants parce qu'ils n'ont pas la contenance psychique pour intégrer leur énergie sans sombrer dans la folie. Mais s'il n'y a pas un contact psychique entre le plan éthérique et les dirigeants sur Terre, bien c'est sûr que ça occasionne des décisions imparfaites parce qu'à ce moment-là, ces gens-là sont en contact avec des vibrations plus basses, comme des entités astrales, ce qui fait qu'ils n'auront pas la justesse de décision d'être qui serait totalement en harmonie avec le plan éthérique. Donc, ils sont obligés de composer avec la nature imparfaite de l'être humain et de ses limitations, et aussi par rapport au fait que, à quelque part, c'est plus intelligent de ne pas donner accès directement à une lumière à quelqu'un qui pourrait être brûlé par elle et sombrer dans un état de déchéance physique par rapport à ça. Donc, autrement dit, il est mieux qu'il y ait des dirigeants qui soient endormis que qu'il n'y ait pas de dirigeants du tout, parce que tout le monde dans un état de folie ou de dépression extrêmement grand. Lorsque l'âme qui est issue de l'involution est confrontée au choc de la fusion, puis si l'âme est très fragilisée au préalable, ben c'est sûr que ça peut amener à ce moment-là des dégâts plus grands que de laisser des gens inconscients diriger l'avenir de populations et de nations à la surface de la Terre. Autrement dit, la situation présentement où les dirigeants vont manquer d'ajustement occupe parce que ça ne peut pas être autrement. Dans le sens que ça ne serait pas intelligent de tout brancher ce monde-là au niveau de l'esprit, tout de suite, directement, parce qu'ils n'ont pas la capacité de contenance, ça serait une perte de temps, d'énergie, et puis il y en a qui seraient plus fonctionnels. Fait que vaut mieux des gens qui soient imparfaits, mais fonctionnels, qui sont capables de travailler, qui sont capables de gérer leurs finances, leur vie familiale, que rien du tout. Est-ce que c'est clair? OK. Oui, quand même, oui. Puis, à quoi peut-on s'attendre de la société, de la civilisation dans 50, 100 ans? Parce que tantôt, tu parlais là, d'augmentation du taux vibratoire au fil des siècles. Oui, exactement. Ça se fait progressivement. Et c'est sûr que, dans le fond, par rapport à 50 ans ou 100 ans, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont prévues, mais je ne mettrai pas de date spécifique. Pourquoi? Parce que l'actualisation de certains projets en relation avec la régence planétaire, le gouvernement supramental, c'est déterminé en partie en fonction de comment les êtres sur la Terre vont réagir. C'est un petit peu comme dans une classe. Dans une classe, on a par exemple 30 élèves. Et là, il y a des élèves qui, lorsque le professeur parle en avant, vont comprendre tout de suite. C'est instantané, c'est comme un claquement de doigts. Ils ont une bonne capacité d'intégration, de compréhension. Il y en a d'autres qu'il faut que tu répètes deux, trois fois puis ils finissent par comprendre. Puis il y en a d'autres qui ne veulent rien savoir du cours. Ils parlent avec d'autres élèves à l'arrière de la classe et ils ne sont pas disponibles puis ouverts. Donc, résultat, la capacité d'intégration des individus sur Terre ainsi que des nations est variable en fonction notamment du bagage mémoriel, du conditionnement. Ce qui fait en sorte que ce qui va arriver précisément dans 50 ans ou dans 100 ans, je ne m'aventurerai pas là-dessus, naturellement. Par contre, ce que je peux dire, c'est que dans les grandes lignes, l'un des objectifs de la régence planétaire, eh bien, c'est de créer des synergies entre des individus. Donc, présentement, d'ailleurs, on voit apparaître sur Internet plusieurs personnes qui parlent de conscience supramentale, qui sont mises en vibration pour canaliser du matériel, que ça se fasse d'une manière publique, donc que ça soit adressé là, à la population générale ou d'une manière implicite, donc sans que la personne fasse des conférences, eh bien, la vibration est en train de passer, ça a une incidence, il y a des réactions en chaîne qui sont orchestrées. Donc, c'est sûr qu'une personne, par exemple, qui parle avec un nom puis ça tasse de l'astralité en son sein, ben à ce moment-là, ça crée de l'espace pour qu'il y ait une disponibilité à recevoir du nouveau matériel. Et donc, il y a des phénomènes comme ça qui se produisent. Et c'est sûr qu'éventuellement, ben ces gens-là qui ont une sensibilité différente, ben ils vont changer de comportement à comparer de leurs prédécesseurs. Donc, ces gens-là n'auront pas un même rapport dans leur couple, dans leur relation amoureuse, dans leur famille. Ensuite, dans leur rapport aux élections, à la politique, à la question du vote, à la question de l'avortement, à la question de la gestion de la crise du coronavirus ou d'autres crises sanitaires. Donc, ça va changer le rapport aux formes terrestres. La conscience, lorsque elle transforme la psyché de l'individu par sa pénétration, lorsque l'individu est pénétré psychiquement par la présence de l'esprit, mais par la suite, ses paroles, ses actions vont être altérées, vont être modifiées en conséquence, ce qui va faire en sorte que si la pénétration de l'énergie se fait progressivement, ben à ce moment-là, il y a une éthérisation de la conscience de plusieurs individus, ce qui va faire en sorte que ces gens-là vont participer à modifier, à altérer la Terre. Donc, ce qui, en relation avec ça, ce que ça peut amener, ben c'est un respect plus grand des individus. Par exemple, dans le domaine scolaire, un respect plus grand des personnes âgées, un respect plus grand des animaux. D'ailleurs, on l'a vu au Québec avec la loi qui avait été passée il y a quelques années où l'animal, au lieu d'être considéré comme un meuble ou un objet, est considéré comme un être doté de sensibilité, donc il doit être respecté. Donc, plus qu'on devient sensible, plus qu'on va respecter les animaux, les individus, la vie en général, le respect de l'environnement, la biodiversité. Donc, en lien avec ça, sur un horizon de 150 ans ou 100 ans ou 2500 ans, c'est un rehaussement du mode de vie des habitants de la Terre qui va être amené dans le sens qu'il va y avoir des changements sociaux par rapport à ça pour mettre fin, entre autres, à des problématiques de racisme comme on voit, par exemple, aux États-Unis. C'est sûr qu'il y en a aussi au Canada. Donc, il y a un traitement plus équitable des gens, là, peu importe leur couleur de peau, peu importe leur orientation sexuelle. Donc, leur identité sexuelle aussi. Donc, on voit entre autres le phénomène des transsexuels qui s'affiche de plus en plus dans le public. Puis, il y a des gens qui sont à présent ouverts par rapport à eux. Même chose par rapport au phénomène de l'homosexualité. Donc, il y a des phénomènes qui autrefois étaient tabous, qui deviennent de plus en plus acceptés socialement dans les sociétés occidentales, mais ça va suivre aussi dans d'autres sociétés. Donc, on va observer une mouvance par rapport à ça, puis les moyens de technologie moderne comme Internet peuvent favoriser des synergies créatives qui vont aller dans ce sens-là. Donc, c'est sûr que présentement, avec la crise du coronavirus, on a l'essor à grande échelle du télétravail, de la vente en ligne, mais le réseautage entre les gens va faire en sorte que, de plus en plus, ils vont avoir une conscience plus unifiée au sein de la Terre, parce que si, par exemple, quelqu'un discute avec une autre personne en France, en Belgique, alors que la personne est au Québec, bien, elle réalise que, finalement, elle peut être interaction avec d'autres personnes, alors qu'avant, les gens étaient cloisonnés puis limités par rapport à leur espace physique. Donc, autrefois, il y a à peine quelques centaines d'années, à part si la personne prenait le bateau pour partir du Québec pour aller en Europe, elle ne pouvait pas interagir avec les Européens sur une base journalière. Donc, les technologies participent à dématérialiser les distances entre les individus et ce phénomène-là va s'accélérer. Ils vont déterminer une disparition aussi des distances entre le rapport entre l'individu par rapport au plan éthérique, dans le sens que plus l'individu a un taux vibratoire élevé, puis plus qu'il peut accéder avec facilité avec le plan éthérique. Donc, il va y avoir des gens qui, grosso modo, vont œuvrer à une humanisation avec un grand H de qu'est-ce qui se passe dans l'humanité, qui, de par leur intégration du principe de l'amour de l'être humain pour l'être humain, va favoriser la mise en place de politiques sociales qui vont aller dans ce sens-là, un rapport aussi plus grand là, entre les... il y a plusieurs autres choses qui me viennent en tête. Là, c'est sûr que il va y avoir un rapport... éventuellement, je vais y aller avec les événements qui sont prévus. Il va y avoir, dans l'agenda du gouvernement supramental, ça va être une restauration de la Terre, puis il va y avoir éventuellement une stabilisation du nombre de gens sur Terre pour éviter une surpopulation. Ça va tellement vite dans ma tête, je vais essayer de ralentir un peu. Donc, il va y avoir une stabilisation de la vie sur Terre pour éviter une surexploitation des ressources naturelles et permettre à chaque être humain d'avoir accès à l'éducation, à la nourriture, à un contexte propice à l'individuation. Et ça va se faire, c'est sûr, sur une longue échelle de temps. Donc, l'un des phénomènes en lien avec le passage de l'involution à l'évolution, ça va être un point où ce qu'on va atteindre, où la population mondiale va arrêter d'augmenter. Donc ça va être un point particulier. Il va y avoir par la suite une diminution, une stabilisation. Et par la suite, il va y avoir aussi le contact entre l'humanité actuelle d'une manière ouverte et transparente avec les extraterrestres. Et il va y avoir un travail qui va être fait en concertation entre les membres du gouvernement supramental et aussi les aides du cosmos qui vont travailler ensemble dans l'optique d'un développement mutuel, naturellement, mais sur une base égalitaire. Ça ne sera pas des êtres humains qui vont être fascinés par les extraterrestres comme des enfants qui n'ont jamais rien vu, parce que ces êtres-là qui vont participer à l'administration des rapports entre les êtres humains et les extraterrestres, ça va être des gens qui vont être suffisamment solides sur le plan psychique et qui auront intégré une conscience totalement de nature cosmique, donc vont interagir d'une manière égalitaire avec les extraterrestres et avec d'autres êtres du cosmos puis de d'autres dimensions. Donc, il va y avoir une conscience de plus en plus multidimensionnelle qui va s'installer au sein de l'individu au fil des siècles et des décennies, au même titre qu'aujourd'hui, ce qui s'installe, c'est la conscience planétaire, de par les moyens technologiques qu'on a, qui sont comme des outils, qui sont comme des éléments qui sont le prolongement de notre conscience, si on veut, là, à travers le réseau Internet. Mais éventuellement, on n'aura plus besoin d'outils comme un réseau Internet qui est au niveau de la forme. On aura tout simplement à se brancher intérieurement. Ben, d'ailleurs, c'est déjà le cas pour certains individus. Donc, on peut se brancher intérieurement avec d'autres êtres, puis ça nous parle intérieurement. Donc, on n'aura plus besoin de l'outil de la forme Internet pour ça. Mais essentiellement, si on garde ça d'une manière très simple, l'agenda du gouvernement supramental, pour le résumer, c'est participer à instaurer un ordre nouveau sur la Terre. C'est pas un nouvel ordre mondial de type dictature technologique, mais un ordre qui est en relation avec une compréhension fondamentale de l'être, l'accès au savoir et aussi une psyché qui est nouvelle, c'est-à-dire une psyché qui est libre de l'astral et l'une des fonctions fondamentales du gouvernement supramental, ça va être d'apporter un soutien et un support psychique aux individus qui vivent le processus de désastralisation. Donc, autrement dit, qui se libèrent de l'astral, un peu comme aujourd'hui, on a des gens qui vont accompagner des individus qui vont œuvrer pour arrêter un problème de consommation d'alcool, donc des maisons de thérapie. Autrefois, il n'y avait pas ça. Donc, ça a été créé puis développé. Puis aujourd'hui, c'est reconnu comme expertise. Donc, quelqu'un va en maison de thérapie pour arrêter une dépendance à, ça soit l'alcool, une drogue dure, la cocaïne, l'héroïne, etc. Puis la personne est accompagnée dans le processus. Donc, éventuellement, il y aura des gens qui vont donner un accompagnement à des individus qui vont vivre un processus de désastralisation. On peut parler de coaching qui va aller dans ce sens-là. Donc, pour favoriser le processus. Mais c'est sûr que le plus difficile, c'est les précurseurs, les initiés qui ont à mettre en place une infrastructure psychique à la surface du globe à partir de rien. Et c'est sûr que Bernard de Montréal, à travers le processus de conscientisation, où il n'y avait pas personne qui pouvait le supporter psychiquement dans sa conscience ou le comprendre totalement, ben c'était difficile pour lui à porter. Mais après ça, ça devient plus facile avec les nouveaux initiés, puis éventuellement, ça va devenir de plus en plus simple au fil du temps. Le processus va se répandre, entre autres, à travers Internet. Là, on le voit d'ailleurs actuellement dans les pays européens. Donc, les informations liées à la conscience y ont accès plus que dans les années 80. Donc, on voit cette mouvance-là qui va s'amplifier là, au fil des ans. OK. Comment la personne peut se désastraliser? Oui. En fait, ce que je dirais par rapport à ça, c'est que dans un premier temps, il faut que la personne vive la fusion avec l'esprit, c'est-à-dire qu'elle connaisse une impulsion énergétique qui l'amène à connaître un changement. Donc, autrement dit, la désastralisation va venir où ce que la personne, ça va dire intérieurement, il va falloir que tu arrêtes hein, de faire des attaques personnelles à des individus. Puis là, la personne, si sa petite voix intérieure lui dit ça, bien, la personne peut questionner pourquoi. Bien, ça va lui dire intérieurement, mais écoute, tel individu qui, par exemple, va diriger au gouvernement la santé au Québec que tu n'apprécies pas, bien, en réalité, lui, il veut bien faire, mais il est sous influence astrale malgré lui. Donc, à ce moment-là, de t'en prendre personnellement par rapport à lui, puis de le critiquer d'une manière agressive, puis de l'insulter, c'est pas intelligent. Donc, tu n'agis pas au bon niveau. Par contre, ce que ça peut dire intérieurement, c'est que tu peux contester l'astral qui va être derrière, par exemple, un individu qui crée du dégât. Donc, s'en prendre au principe astral qui va avoir des conséquences néfastes ou l'astral en son sein. Donc, la petite voix intérieure peut dire, bien, tu vas délaisser tel comportement, puis tu vas avoir tel comportement à place, puis tu vas voir qu'en agissant autrement, c'est-à-dire d'être capable de contester des idées astrales, puis d'agir d'une manière différente, tu vas voir que ton niveau d'énergie va être plus élevé, tu vas avoir plus de vitalité. Puis là, la personne, ça peut dire ça intérieurement, et c'est sûr que la personne, au début d'un processus de désastralisation, si elle est entourée de personnes qui font juste se plaindre puis chialer contre des individus puis faire de la médisance, c'est sûr que ça ne la renforcera pas en fonction d'un mouvement interne. Puis ça va être difficile pour elle de supporter le mouvement interne. Par contre, si elle peut bénéficier de la possibilité d'écouter un enregistrement sur Internet qui va dans le même sens ou d'assister à une conférence en personne, si c'est possible, étant donné la crise actuelle qui ne le permet pas ou difficilement. Si elle peut bénéficier de ça, ben, ou de discussion avec quelqu'un qui vit un processus de conscientisation avec un coaching individualisé, ben là, ça peut faciliter parce que si la personne, le coach ou la personne qu'elle entend dans l'enregistrement dit des choses qui vont dans le même sens que la voix interne, ben ça permet à ce moment-là de bénéficier de ce qu'on appelle d'un support psychique pour mettre en place une modification comportementale dans sa vie, puis participer à la modification de la vibration aussi de son être. Donc, parce que tout est interrelié. Donc, si la personne arrête de gaspiller son temps à chialer contre le gouvernement, chialer contre les médias, puis à la place d'utiliser son énergie créativement pour émettre quelque chose de nouveau, se redéfinir individuellement, composer intelligemment, par exemple, avec la crise du coronavirus, pour rayonner sa créativité plutôt que passer son temps à se plaindre chez elle, ben à ce moment-là, elle peut voir qu'en suivant un élan interne qui vise à l'amener à avoir une action qui est plus vitalisante, qui est plus saine sur le plan psychique, que ça va la dynamiser. OK. Ce qui l'amène à vivre davantage dans le principe de la volonté, l'amour et l'intelligence. Oui, exactement, parce que l'individu qui éthérise sa conscience, il va vivre en fonction de ces principes-là. Mais j'aurais le goût de dire, pour garder ça le plus simple possible, c'est pas en fonction d'une conformité naturellement à des formes. Tu sais, quelqu'un pourrait dire, je vais lire un livre sur l'amour, puis là, je vais agir en fonction de ce que dit le livre. Non, le principe derrière le sens de mon propos, qui est en lien avec la désastralisation il y a quelques instants, l'essence du principe, c'est de suivre sa vibration interne. Donc, si ça me dit intérieurement de lire un livre sur l'amour, puis que lorsque je lis un élément, une page du livre, ça entre en résonance avec moi, bien là, ça me dit, de par mon intériorité qui entre en vibration, en syntonie, que je dois aller dans ce sens-là, puis je vais dans ce sens-là. C'est ça, suivre la vibration fondamentalement. Donc, c'est même pas de se conformer à des principes qui ont été associés historiquement à la conscience supramentale, parce que c'est sûr qu'au fil des années, là, que ce soit Bernard de Montréal qui a amené ces principes-là dans les années 80, que c'est des principes réels en passant, mais le point, c'est toujours partir de la vibration, peu importe le principe qui peut être amené, pour regarder qu'est-ce qui est plus vibrant, qui est plus vitalisant en termes d'action qu'on peut faire dans notre vie de tous les jours pour l'intégration au quotidien de la vibration supramentale, entre autres. Oui, merci beaucoup, David. Moi, j'arrêterai là. Je trouve que ça finit très bien, là. Donc, c'est bien parfait. On va arrêter dans les prochains instants. Donc, ça aura été pour la conférence intensive supramentale aujourd'hui. Donc, écoute, Isabelle, j'ai apprécié les questions que tu m'as faites pour nourrir la discussion. Et je vais demander aux gens là, de réutiliser leur imagination. Donc, c'est sûr qu'on pouvait s'imaginer tantôt être en salle de conférence. Il y aurait peut-être eu 20 ou 30 personnes là, à Québec. Et puis là, ben, on conclut l'enregistrement. C'est sûr que ça peut durer 4 heures de temps, comme ça l'était prévu à l'origine avec Marc. Mais tout de même, j'ai tenu activité en ce samedi 10 octobre. Donc, j'espère que les gens auront apprécié la vibration. Et là, on peut utiliser l'imagination pour visualiser la fin de la conférence où les gens, ben c'est sûr qu'une fois que c'est complété, ben moi, je suis disponible pour les gens des fois qui veulent parler un peu. Je vais saluer les gens. Donc, s'il y en a qui veulent avoir des poignées de main, des colubes, c'est sûr que il y a des gens qui étaient prévus en passant. Je pense entre autres à une personne là, de venir de différents endroits éloignés, dont une de l'Europe. Donc, c'est ça que je peux imaginer en train de lui parler avec son accent européen et puis lui poser la question, bien, comment appréciez-vous le Québec avec les feuilles qui tombent, les décors colorés qu'on a présentement avec des feuilles rouges au sol. Donc, tomber dans un mode un peu plus léger de discussion pour conclure tout ça en beauté. Et c'est sûr que pour terminer là, la discussion aujourd'hui, je pense qu'on aurait fait le tour de plusieurs sujets. C'est sûr qu'on a, dans le fond, dans le cadre d'une conférence à personne, un peu comme tu l'as fait tantôt, il y aurait eu des questions en lien avec le coronavirus. Des questions aussi plus d'approfondissement par rapport à certains éléments liés à la conscience supramentale. On a parlé tantôt du gouvernement supramental. Et donc, ça aurait couvert sans doute plusieurs sujets. Et c'est sûr que en complétant, bien, c'est sûr que je voulais remercier en passant là, les gens qui, au fil du temps, là, m'ont fait parvenir des contributions financières via Internet, entre autres le service de paiement sécurisé, PayPal et également Interac, dont vous retrouvez les coordonnées là, en bas de l'enregistrement. Donc, j'espère que, dans le fond, tu auras apprécié là, l'expérience avec moi aujourd'hui. Oui, oui, certainement. J'ai très apprécié l'expérience, David. Merci à toi. Oui, donc tu as aimé jouer le rôle du public qui aurait posé des questions. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Donc, ben écoute, ça m'a fait plaisir. C'est sûr qu'à défaut de t'avoir donné l'opportunité d'assister à la conférence en personne comme il était prévu en date d'aujourd'hui, ben tu auras eu ça. La même chose pour les gens qui nous écoutent là, d'un peu partout. Donc, encore une fois, merci d'avoir été présente aujourd'hui. Et je remercie bien entendu les gens qui écoutent l'enregistrement pour leur présence d'esprit par-delà leur distance. Donc, écoute, là-dessus, c'est ce qui va compléter. Et bien, pour les gens qui nous écoutent et toi-même, Isabelle, je vous dis à bientôt. Au revoir. Oui, à bientôt. Au revoir.